pas allumé. De retour à Futur Simple, disais-je, sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Et pour cette deuxième partie d'émission, nous allons faire un tour alors dans les parages de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke. L'année 2025 a été déclarée par l'ONU l'année internationale de la science et de la technologie quantique. Alors il faudra vous y faire. La science quantique reviendra plusieurs fois au menu de Futur Simple cette année. Et avec la science quantique, on entend souvent parler d'ordinateur quantique, mais la science quantique, c'est bien plus que ça. Ça peut conduire aussi à l'amélioration des détecteurs infrarouges utilisés dans les véhicules autonomes. Et c'est là-dessus que travaille Jérôme Dehaye. Il est étudiant au doctorat au 3IT, Institut interdisciplinaire d'innovation technologique à l'Université de Sherbrooke, pour nous parler de son projet de recherche. Rebonjour Jérôme. Bonjour Valérie. Alors avant d'entrer dans le cœur de ta recherche, il faut nous expliquer brièvement pourquoi les véhicules autonomes ont besoin d'un détecteur infrarouge. Ben, avant de rentrer exactement dans les véhicules autonomes et leurs détecteurs, il faut parler un petit peu de l'histoire de la technologie, puis comment dans les dernières 20 à 25 ans, on a eu vraiment une explosion là, de la technologie au plus proche de l'être humain. Que ce soit en fait avec le meilleur exemple qui est le téléphone cellulaire dans nos poches, on se retrouve de plus en plus là avec des objets technologiques près de nous qui ont des capteurs, les montres, là, les fameuses montres qui permettent la course ou autres. Dans le domaine automobile en particulier, on a aussi vu dans les 20-25 dernières années un boom dans les composants électroniques ou technologiques dans nos autos. On a passé des autos fin des années 80-85 qui étaient très... Il y avait un volant, un moteur, quatre roues, mais ça se limitait à ça. Maintenant, c'est des ordinateurs sur des roues. Exact. Qui nous manque, en tout cas, au niveau des mécaniciens, là, ça nous manque beaucoup ce type de véhicule-là. Et on se retrouve maintenant avec des autos qui ont beaucoup de capteurs, que ce soit pour maintenir la voie, que ce soit pour la détection d'angle mort, par exemple, ou on se retrouve avec beaucoup de plus en plus de capteurs jusqu'à un peu la quintessence, là, ce qu'on voit présentement à San Francisco, les fameux taxis autonomes, donc, qui ont été rêvés, là, si je ne me trompe pas, là, depuis 50-60 ans. Ma mère qui me disait quand elle était jeune qu'elle dessinait ses autos volantes là, autonomes, et on y arrive maintenant un petit peu là, avec des véhicules qui se conduisent tout seuls. Cependant, ces véhicules-là ont besoin... Ils ont besoin d'yeux, ils ont besoin, pas nécessairement d'oreilles, mais ils ont vraiment besoin de voir leur environnement pour éviter, bien évidemment, les accidents ou autres. Et ça, bien, ça va passer par tout type de caméras qui fonctionnent très bien de jour ou avec tout ce qui est visible, mais qui ont aussi besoin de détecteurs d'obstacles dans des conditions qui sont un peu plus hasardeuses, comme lorsqu'il neige, du brouillard ou de la pluie, par exemple. Le problème avec ces caméras, en fait, c'est qu'on ne pourra pas voir à travers les objets. Et ce qui est merveilleux avec l'infrarouge, ça nous permet d'utiliser une technologie qu'on appelle le LIDAR, qui a été développé dans les années 50-60 par la NASA, en fait, pour des utilisations spatiales. LIDAR, en fait, ça veut dire Light Imaging and Detection Ranging. Donc, c'est pour faire, en fait, des mesures de profondeur. Donc, comment ça fonctionne de manière très simplement, on va envoyer un photon infrarouge et on va compter le temps que ça lui prend à nous revenir après avoir frappé un obstacle. Et avec la vitesse de la lumière, ça nous permet de mesurer une distance, créer une certaine mesure de profondeur. Et c'est ce qui va, en fait, ce qui est merveilleux avec l'infrarouge et cette technologie LIDAR-là, en fait, c'est que l'infrarouge va traverser, donc très peu interagir avec l'atmosphère, avec, par exemple, les particules d'eau en suspension dans l'air. Et bien évidemment, c'est pas quelque chose qui est visible, donc ça s'envoie dans le noir et ça frappe pas les yeux humains. Donc, ça rentre pas en conflit avec notre vision à nous. On a pas des gros jets là, d'infrarouge qu'on voit partout qui sortent des véhicules. En fait, c'est assez intéressant qu'on en a même dans nos téléphones cellulaires. Donc, dans les dernières générations d'Apple, on a des technologies LIDAR qui nous permettent de scanner des environnements, des entrepôts, par exemple, ou même de scanner notre visage, puisqu'on envoie là, de l'infrarouge qui n'est pas une longueur d'onde qui est visible. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort de ça, en fait, le LIDAR envoie les photons, ça revient, il ressort. Bon, alors, nous, on ne voit pas forcément ce que le LIDAR voit, mais est-ce que le LIDAR, lui, il voit juste une forme floue où il est capable de dire c'est un arbre, c'est un piéton, c'est un chien, c'est un panneau de signalisation, c'est un camion, c'est une voiture, d'analyser l'objet détecté. Le LIDAR ne va pas nécessairement mesurer les objets. Donc, on l'utilise surtout pour sa propension à traverser certains environnements qui ne sont pas transparents dans l'utilisation. En fait, c'est une électronique qui va s'appuyer derrière. Et on va vraiment mesurer avec des capteurs qui sont très rapides la différence de temps entre l'émission et le retour. Mm-hmm. Avec ça, on va créer des cartes topographiques. Donc, mm-hmm. en fait, sur ceux qui ont suivi un peu l'actualité scientifique, on a eu récemment beaucoup de papiers en histoire ou en géologie. En fait, des images LIDAR qui ont été réalisées par des satellites de la surface terrestre. Et de ça, on a pu en ressortir là, des motifs. Mm-hmm. Donc, qu'on reconnaît être humains, donc qui sont trop structurés pour être dans l'ordre de l'aléatoire naturel. Et de ça, on a pu faire des découvertes historiques, en fait, des endroits où il y aurait eu de la population ou autre. Donc, c'est vraiment cette image topologique-là qui nous intéresse avec le LIDAR. Ah oui, c'est comme ça qu'on a découvert des cités perdues en Amazonie sous les amoncellements de végétation, de terre. Là, on s'est aperçu qu'il y avait des structures régulières et qu'il y avait des cités amazoniennes. Exact. Ah, ouais, donc, c'est... Il y a un petit peu une conception, en fait, ça traverse pas nécessairement beaucoup la Terre, donc l'infrarouge va finir par s'arrêter assez rapidement. Mm-hmm. En fait, c'est plus qu'en créant ces cartes topographiques-là très grandes, on peut ressortir là, des tendances là, qu'on verrait pas au niveau visuel seulement en prenant des photos. Mm-hmm. Là. Donc, c'est bien pratique l'infrarouge, mais donc toi, tu travailles sur le développement d'un détecteur infrarouge, mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, des détecteurs infrarouges, des LIDAR, il en existe déjà, des détecteurs infrarouges, il en existe déjà, on sait qu'il y en a aussi sur les télescopes, donc pourquoi est-ce qu'on a encore besoin d'en faire d'autres? Ils marchent pas assez bien, ce qu'on a? C'est l'excellente question qui est un peu toujours à la base du développement de nouvelles technologies. Souvent, on a des choses qui fonctionnent, qui existent, et il s'agit toujours de les améliorer. Donc, un peu, si je fais du pouce sur ce que Benoît disait à l'entrevue précédente, nous, on travaille pas beaucoup sur des choses complexes, mais on travaille sur des choses qui sont compliquées. Donc, comment réussir à affiner, à rendre plus efficaces les détecteurs qu'on a déjà? Le gros problème avec les détecteurs infrarouges actuels, en fait, c'est qu'ils sont généralement faits avec des matériaux qui sont exotiques, donc très coûteux, que ce soit monétairement ou environnementalement. Mm-hmm. Donc, c'est des matériaux qui sont très rares, qui vont être coûteux à produire. Et alors, en date d'aujourd'hui, ils sont encore pas très efficaces. Ah. Donc, ils vont aussi être coûteux, ils vont être énergivores, donc dans les autos, par exemple. En fait, on va combler ce manque d'efficacité-là en mesurant pendant plus longtemps ou en ayant une plus grande surface sensible, donc ce qui n'est pas très, très pratique. Donc, si on veut démocratiser l'usage de ces détecteurs infrarouges dans des véhicules autonomes, des voitures autonomes, on a intérêt de trouver un détecteur qui soit plus efficace, moins gourmand en matière, etc. Exact. Mmh. Et c'est un peu ce que nous offre le germanium sur silicium, donc une technologie qui est déjà connue, mais qui a des défauts qui ne permettent pas son industrialisation. Avant de rentrer directement dans le germanium, il faut un peu expliquer la quantique derrière tout ça. En fait, comment est-ce qu'on mesure des photons? Comment est-ce que le photon est reçu? En fait, puis pour ça, il y a une superbe analogie, c'est l'analogie des yeux humains. En fait, nos yeux sont des caméras à particules de lumière, des caméras à photons. Donc, comment notre œil va fonctionner pour absorber cette lumière-là et créer une image dans notre cerveau? En fait, chacun de ces petits cônes et bâtonnets qui fonctionnent comme des pixels, un peu dans notre caméra, vont absorber la lumière et la convertir en une image. C'est un peu la même chose que vont faire nos caméras, celle-là qu'on a dans notre téléphone, par exemple. C'est, dans ce cas-ci, un semi-conducteur, des petits carrés, des pixels qui sont environ de la grandeur d'un millième d'un cheveu. Là. Donc, ce qui nous permet d'en mettre 20 millions, 20 mégapixels dans notre petit iPhone. Là. Et chacun de ces pixels-là va absorber l'énergie des photons. Donc, de manière quantique, va transformer l'énergie du photon en un courant électrique dans le pixel. Donc, c'est ce que fait les semi-conducteurs. Ils vont passer d'isolant à conducteur dans la pixel en recevant, en transformant l'énergie de ces photons-là en courant électrique. En variant l'intensité dans les différents pixels, ça nous permet de créer cette fameuse image-là. Ah, puis là, tu as dit aussi un mot important, c'était semi-conducteur. Donc, il faut un matériau semi-conducteur. Il faut un matériau qui soit sensible aux infrarouges et un matériau semi-conducteur. Exact. Donc, on se retrouve rapidement en mettant toutes ces conditions-là à avoir quelque chose de très spécifique. Le matériau semi-conducteur qui est utilisé dans la majeure partie des caméras, c'est le silicium, pour la bonne raison qu'il est très abondant et qu'on le connaît très bien. C'est le matériel qui va faire beaucoup des puces électroniques, donc dans les ordinateurs, les téléphones, etc. La grosse problématique avec le silicium et l'infrarouge, pourquoi on ne peut pas utiliser notre matériel de choix qui est peu coûteux et connu, c'est en fait que le silicium est transparent à l'infrarouge. Donc, comme une vitre de maison qui laisse passer la lumière visible, le silicium, lui, ne pourra pas absorber, il ne voit rien. Donc, l'infrarouge va traverser sans s'arrêter, sans déposer son énergie. Donc, on ne pourra pas transformer l'énergie du photon en courant électrique et donc de créer notre image. Et c'est là qu'intervient le fameux germanium. Mmh. Donc le germanium, c'est, normalement le germanium n'est pas utilisé dans les autres détecteurs habituellement utilisés, les détecteurs infrarouges, il n'y a pas de germanium. Dans la majeure partie des détecteurs infrarouges, il y en a. En fait, c'est des détecteurs à la base de germanium qui déjà fonctionnent dans notre télécommunication, dans les fibres optiques, qui fonctionnent aussi à l'infrarouge. Pourquoi il n'est pas utilisé dans les photodétecteurs LIDAR, par exemple, pour les automobiles, c'est que le germanium n'est pas très très bon, il n'est pas très précis en temporellement au niveau de la multiplication des électrons, dans un domaine plus poussé. En fait, une des technologies qui est très prometteuse au niveau de l'utilisation du germanium, c'est d'utiliser un film très mince en surface du silicium. Le silicium qui est très bon pour faire cette multiplication d'électrons-là. En fait, on a besoin d'environ un film d'un centième d'un cheveu, un micron d'épais à la surface du silicium pour absorber l'entièreté de l'infrarouge. C'est un peu l'équivalent de mettre là, un anti-reflet sur nos lunettes d'avoir des lunettes fumées là, qui vont avoir une petite pellicule à la surface. Donc l'intérêt, c'est d'avoir cette petite pellicule-là. Et si on arrive à pourquoi ils ne sont pas utilisés, parce que bien évidemment, on connaît les fondements, si on revient à notre complexité et au niveau compliqué, c'est pas très compliqué, on sait comment ça fonctionne, il suffirait de mettre qu'une couche de germanium sur la surface du silicium. Mais en fait, malgré que le germanium et le silicium sont très proches comme atomes, donc ils se ressemblent, ils vont former la même structure cristalline, les deux atomes de germanium mis ensemble versus le silicium n'ont pas la même largeur. Donc si on prend l'analogie par exemple d'une fermeture éclair, lorsqu'on va vouloir mettre les uns par-dessus les autres, après environ une vingtaine de mailles dans notre fermeture éclair, il y a un atome de germanium de trop. Et un décalage, oui. Exactement. Donc, il y a un décalage, donc on ne pourrait plus terminer notre fermeture éclair, on bloquerait le chariot. Si on se trouve dans un monde réel, en deux dimensions, en trois dimensions, ces atomes-là en surplus qu'on essaye de comprimer à la surface vont créer des défauts, des dislocations, et ces défauts-là vont mener à des électrons libres autour de l'atome qui vont pouvoir contribuer à notre bruit. Donc, ils vont créer des fausses détections. Et ces fausses détections-là, s'il y en a trop souvent, ils nous empêchent de détecter les vrais photons. Donc, on se remet à détecter des faux photons en continu, ce qui nuit beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'utilisation. Mm-hmm. En fait, les détecteurs à base de germanium sont utilisés, mais doivent être refroidis là, pour être utilisés à environ moins 200 degrés Celsius. Donc, t'as une température très, très froide. C'est pas très pratique, ça. C'est pas très pratique, je te l'accorde. Ouais. Donc, toi, ton travail, ta recherche, c'est de trouver un moyen pour coller cette couche de germanium sur le silicium pour que ça adhère vraiment bien, là, qu'il n'y a pas ces trous, qu'il n'y ait pas ces trous, qui fassent qu'il y ait des électrons inopérants, on va dire. Exact. Les détecteurs normaux sont faits par croissance. Donc, on va venir juste déposer le germanium à la surface d'une phase gazeuse, là, en lançant les atomes à la surface, et on les laisse se réorganiser. C'est là que ça crée les problèmes. Et en fait, la solution serait, par des simulations qui ont été publiées là, autour des années 2020, de coller directement une couche de germanium. Comme ça, on limite les défauts, parce que bien évidemment, il va rester des atomes mal placés, mais entre les deux surfaces. Donc, on limite la quantité de défauts, il n'y en a pas dans le volume. Donc, ça nous permettrait, en théorie, d'avoir le meilleur détecteur existant. La vraie problématique vient au niveau du collage. En fait, si on colle un disque de germanium complet, il va falloir enlever l'excès de matière parce qu'on a seulement besoin de notre fine couche de 1 micron, ce qui se manipule pas, en fait. C'est trop mince. Donc, en fait, c'est un peu dans notre domaine des limitations technologiques qui nous empêchent de développer des nouvelles solutions. Et dans notre cas, en fait, on a eu l'idée germée d'un partenariat en deux groupes de recherche. Un groupe de recherche qui est le GRAM, c'est le groupe de recherche en appareillage médical duquel je fais partie, qui développe des photodétecteurs qui étaient originellement développés pour des scanners, des PET scans, donc pour le niveau médical. Avec notre technologie, on est arrivé à être assez rapide pour mieux repositionner l'intérieur du corps humain. Donc, on avait cette technologie-là qui était très rapide, qui nous permettait de faire très bien le calcul de temps de vol. Donc, comme on est précis au picoseconde près, donc pas beaucoup de secondes, ça nous permet de mieux repositionner les atomes dans l'espace. Et on s'est intéressé à, est-ce qu'on pourrait rendre nos photodétecteurs à base de silicium sensibles à l'infrarouge, et donc, possiblement en utilisant germanium. C'est alors que notre groupe de recherche voisin, à l'étage supérieur, s'est mis à développer une technique pour décoller des membranes, des couches minces de germanium. Et eux, avec une application à la base qui était totalement différente, ont cherché à produire un substrat virtuel pour la croissance de cellules solaires spatiales. Donc, des cellules solaires très minces qui pourraient être roulées, par exemple, pour envoyer dans une fusée. Et donc, l'idée devenait assez simple. On a cette couche, cette membrane mince qui, merveilleusement, nous permettrait de coller seulement la quantité de germanium qu'on a besoin. Et ces détecteurs à base de silicium-là, très efficaces, très rapides. Donc, il nous restait, bien évidemment, qu'à trouver, très simplement, comment les coller ensemble. Et c'est là que Jérôme Déa est arrivé. Exact. Jérôme trouve comment coller ces deux couches. Mais c'est quand même assez intéressant, cette histoire dont on parle des fois de la nécessité de fusionner les recherches, d'interdisciplinarité, multidisciplinarité. Et là, tu parles finalement d'un projet conjoint entre un laboratoire qui fait de technologie médicale et un autre quasiment technologie spatiale. Il y en a un qui développe une membrane de germanium, l'autre qui développe un détecteur, et tout ça pour faire éventuellement un lidar pour des véhicules autonomes. Et c'est une belle histoire. C'est fascinant parce que notre institut s'appelle l'Institut interdisciplinaire et quand même, des fois, on oublie de parler à notre voisin de quelques chaises à côté qui développent une technologie soit qui nous ressemble ou qui pourrait nous aider. Donc, c'est vraiment, entre guillemets, une belle histoire dans notre projet. On va voir si ça fonctionne, mais évidemment, parce qu'il y a des défis. La réponse est, qui est toujours simple, c'est la réponse facile à donner, c'est que si c'était simple, on l'aurait fait. Dans notre cas, en fait, il va falloir trouver comment coller ces deux surfaces-là ensemble et de bien le faire, ce qui est quelque chose de connu, mais bien évidemment, qui a toutes sortes de petits défauts et de limitations en lien avec notre dispositif. Mais comment ça se manipule, ça? Parce que j'imagine une épaisseur une monocouche, une épaisseur une couche de germanium d'un atome d'épaisseur, là, ça ne doit pas se manipuler avec des pincettes très ordinaires. Là. Ben, dans ce cas-ci, c'est pour ça qu'on on fait la croissance épitaxiale dans un réacteur sur une couche qui est poreuse, afin d'avoir une couche qui est relativement épaisse et qui est manipulable. Ouais. Donc, ça nous permet d'avoir, en fait, quand on parle d'un micron, donc qui est l'épaisseur qu'on a de besoin, on parle d'environ, c'est 1000 nanomètres et deux liaisons de germanium, là, ça peut faire aux alentours de 250 nanomètres. 0,25 nanomètres. Donc, on se retrouve avec environ, on multiplie ça par 4, 4000 atomes de haut. Ah oui, donc, avec des mathématiques assez approximatives. Donc, 4000 atomes de haut, c'est mince, mais on peut les mettre sur des supports. Dans ce cas-ci, il faut toujours les mettre sur des supports. Là. Souple? C'est comment? C'est souple. Donc, en fait, le germanium, c'est une céramique. Donc, c'est très, très, très rigide. Ceci dit, lorsqu'on met des très faibles quantités, ça devient par le fait même souple, parce qu'en fait, on n'a pas de rigidité, là, quand on a très peu d'atomes. Et on colle ça comment? Avec de la colle, avec, je sais pas, c'est soudé, c'est quoi le truc? La résine? Ben, c'est tous des bonnes réponses. En fait, c'est des techniques qu'on va utiliser en microfabrication, que ce soit dans le domaine quantique ou dans le domaine de la microfabrication traditionnelle pour les puces. Dans notre cas, on utilise la technique qu'on appelle le collage moléculaire, qui va consister en fait à dénuder les deux surfaces de l'entièreté de leur atome en surface pour avoir ce qu'on appelle des liaisons pendantes. Donc, on va vouloir enlever tous les oxydes qui se forment de manière naturelle pour avoir des atomes prêts à se lier, prêts à se coller. Et ensuite, sous vide, on va venir coller les deux surfaces ensemble. Et en fait, qu'en les mettant en contact, ces liaisons-là à l'extrémité qui sont prêtes à se lier vont se lier tout seul, en fait, sans effort. Et pour avoir un vrai bon contact par la suite, on va appliquer une pression et une chaleur. Donc, c'est un procédé qui est simple en soi, mais en fait, la problématique, surtout quand on a une membrane qui est aussi mince, c'est qu'une seule poussière vient briser notre collage. Et c'est pas très intuitif, mais autour de nous, présentement, il y a des millions et des millions de poussières. Donc, nous, on travaille dans des environnements salle blanche. À Sherbrooke, on a un bel environnement de salle blanche où, en fait, la ventilation et des centaines de filtres vont venir constamment filtrer l'air et pousser ces particules-là vers le sol. Ça nous permet d'avoir, je pense, si je ne me trompe pas, c'est une classe 100 qu'on appelle, donc 100 particules par mètre cube, ce qui est encore beaucoup dans la mesure où une seule particule sur une surface de 4 pouces sur laquelle on travaille souvent en disque va venir en fait ruiner le collage. Pourquoi ça ruine le collage? Ben en fait, c'est que les particules sont très, très grosses à comparer avec les échelles dans lesquelles on travaille. Donc, on parlait d'un micron. Une particule, ça peut tourner aux alentours de 20, 25, 50 microns. Bon, ça a différentes tailles. Et ben, on peut le voir, si on a une membrane qui fait un micron et qu'on vient la soulever de 25, ben, ça crée une bonne bosse, ça crée des bulles. Et ces bulles-là, ben, en fait, vont ruiner notre collage et donc notre efficacité du dispositif. Exactement. Donc là, j'imagine qu'il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs pour différents essais à faire pour vérifier la bonne efficacité du collage, je sais pas, la pression, différents paramètres, différents facteurs à essayer. Et donc, c'est sûrement là-dessus que tu travailles. Exact. Et c'est là que la science devient relativement bête. Donc, on part d'une idée qui est fondamentale, très complexe. Si on part de la quantique et un peu des niveaux électroniques, comment combiner deux matériaux, et où on s'en va en fait en salle blanche travailler à faire une matrice de 4 par 4 où on varie la pression vers le haut et la température vers la droite, et ensuite on fait 50, 100, 200. On fait une matrice et puis on cherche la combinaison en disant peut-être qu'il y en a une qui va marcher. Exact. Généralement, on part toujours de des points, donc c'est pas nécessairement du pur essai-erreur. On va partir d'un point de la littérature, donc des points de la littérature qui existent, et ensuite, on va varier autour de ces paramètres-là pour trouver qu'est-ce qui pourrait marcher dans notre salle blanche avec nos équipements, avec notre matériel, etc. Donc, c'est beaucoup de travail mécanique, manuel, pour essayer d'arriver à une preuve de concept en laboratoire. Et ensuite, il va falloir tester si ce détecteur fonctionne effectivement, s'il détecte bien comme il faut les infrarouges. Oui, et c'est là qu'on tombe un peu plus dans l'électronique. Donc, on se retrouve avec deux matériaux qui sont des semi-conducteurs, donc qui ne conduisent pas nécessairement. On va venir les doper pour les aider à conduire un petit peu plus. Donc, le dopage, c'est en substituant un atome qui fait 4 liaisons, comme le germanium, par un atome qui en fait que 3. Donc, on libère des électrons libres. Et ensuite, on va venir tout simplement mettre des contacts électriques, deux plots de métal, d'aluminium, par exemple, sur notre matériel. Et on va vérifier est-ce que c'est facile ou pas facile de faire passer le courant à travers ces deux couches-là. Meilleur le collager, plus il y a d'atomes qui vont être liés ensemble, moins il va y avoir de résistance au passage des électrons. Accessoirement aussi, on essaie de faire un collage où il n'y a pas de couche d'oxyde entre les deux, donc où les deux surfaces sont nues, qu'on appelle. Ben, en fait, dans ce cas-là, il n'y a pas de barrière d'oxyde, donc c'est encore là, ça va faciliter le passage de l'électricité. Ultimement, en fait, la meilleure preuve de concept, ça reste tout simplement de créer un dispositif. Ouais. Donc, nous, on est chanceux, on a une plateforme qui sort directement de nos partenaires industriels à Bromont, qui nous fabrique des photodétecteurs à base de silicium de manière industrielle. Okay. Donc, on réussit à obtenir ces échantillons-là qui nous vont nous permettre de tester là, l'efficacité directement avec en collant le germanium sur la surface de nos échantillons. C'est ça, je me demandais, parce que là, tu en es au début de ton doctorat, je crois, puis on te sent assez passionné par ton sujet. Est-ce que il est prévu à la fin que tu fabriques un prototype? En réfléchissant à la question, en m'en venant à Québec cet après-midi, j'ai pensé à la réponse qui est un peu comique. C'est sûr que le plan, en fait, de toute recherche et d'en vendre des millions et c'est prendre sa retraite. Bien évidemment, rationnellement, le plan, c'est d'obtenir à la fin de ces 3 ans-là un prototype qui va être fonctionnel. Donc, un seul pixel. Donc, là, on est loin du 20 mégapixels du téléphone, mais qui serait capable, lorsqu'on fait des tests en envoyant des photons, et on va mesurer son efficacité. Donc, on veut savoir est-ce qu'on mesure 20-30% des photons qui sont envoyés, ou aussi mesurer son bruit, savoir si on se compare un peu à la littérature. En fait, comme la théorie veut qu'en collant une couche parfaite, on aille le meilleur détecteur au monde, ben on va comparer avec les détecteurs qui existent et avec la théorie pour savoir si on obtient un peu les seuils. La suite après, en fait, c'est justement le 3IT est beaucoup en partenariat avec l'industrie. On le voit un peu au Québec, on finance beaucoup la recherche par le gouvernement, mais en espérant bien évidemment que ça mène à des produits. Donc nous, ça va être de travailler avec nos collaborateurs industriels pour essayer de prendre nos recettes qui sont développées à l'échelle de 1 pixel dans un laboratoire avec mes mains et mes petites pinces et trouver comment, donc c'est une partie du doctorat aussi, comment industrialiser ce procédé-là en utilisant la technique du collage pour savoir, ben, est-ce qu'on va vraiment pouvoir avoir des autos avec ces détecteurs-là. Mais évidemment, en compétition, on va avoir Sony et les autres grands joueurs, mais c'est intéressant de savoir que justement, on valorise cette recherche-là quantique au Québec, on donne du financement pour que des gens comme moi puissent faire leur doctorat à travailler sur des technologies du futur avec possiblement l'espoir que ça se retrouve là, chez le grand public, dans les mains des gens. Puis là, si je comprends bien, donc, ce labo-là où tu es, c'est le seul à essayer de coller, de faire des détecteurs silicium-germanium en collant des feuilles, des couches comme ça de germanium et de silicium. C'est dur de prétendre qu'on est les seuls parce que un de mes professeurs à l'université me disait s'il y a une bonne idée, il y a probablement quelqu'un qui l'a essayé quelque part. Donc j'imagine. Dans la littérature, on voit pas d'articles qui utilisent ce genre de procédé. Exact. Puis c'est quand même une bonne information. Quand il n'y en a pas dans la littérature, il faut se poser la question s'il n'y a peut-être pas quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Mais dans ce cas-ci, en fait, ce qui justifie un petit peu notre approche, c'est que c'est très difficile de produire des couches minces de germanium qui sont d'aussi bonne qualité, ce que le procédé Peeler là, à Sherbrooke a réussi à produire et ce qui a mené d'ailleurs à un autre projet là, de développement avec l'Agence spatiale européenne. D'accord. Ben, c'est fort passionnant. Je ne sais pas toi, Benoît, c'était sans doute quelque chose que tu as découvert aussi, c'est assez loin de ton sujet, je pense. Il opine de la tête. Alors, merci beaucoup, Jérôme, pour cette introduction dans le monde des sciences quantiques. Donc, je rappelle que Jérôme est étudiant au doctorat au 3IT. Merci beaucoup, Jérôme. Ça fait plaisir, Valérie. Bien sûr, on te souhaite une bonne chance, une bonne continuation dans ta recherche. Et si tu veux revenir nous apporter des nouvelles de ton projet de recherche, ce sera toujours avec plaisir. Et moi aussi, avec un grand plaisir.